10 minutes après, Frédéric ne songeait plus à des lauriers. Il était sur le trottoir de la rue Paradis, devant une maison. Il regardait au second étage, derrière des rideaux, la lueur d'une lampe. Enfin, il monta l'escalier. « Arnoux y est-il ? » La femme de chambre répondit. « Non, mais entrez tout de même. » Et, ouvrant brusquement une porte, « Madame, c'est Monsieur Moreau. » Elle se leva, plus pâle que sa collerette. Elle tremblait. « Qui me vaut l'honneur d'une visite aussi imprévue ?»« Rien. Le plaisir de revoir d'anciens amis. » Et, tout en s'asseyant, « Comment va ce bon Arnoux ?»« Parfaitement. Il est sorti. »« Ah, je comprends. Toujours ses vieilles habitudes du soir. Un peu de distraction. »« Pourquoi pas? Après une journée de calcul, la tête a besoin de se reposer. » Elle vanta même son mari, comme travailleur. Cet éloge irritait Frédéric, et, désignant sur ses genoux un morceau de drap noir avec des sous-taches bleues, « Qu'est-ce que vous faites là ?»« Une veste que j'arrange pour ma fille. »« À propos, je ne l'aperçois pas. Où est-elle donc ?»« Dans une pension, » reprit Madame Arnoux. Des larmes lui vinrent aux yeux. Elle les retenait en poussant son aiguille rapidement. Il avait pris par contenance un numéro d'illustration sur la table près d'elle. « Ces caricatures de chums sont très drôles, n'est-ce pas ?»« Oui. » Puis, ils retombèrent dans leur silence. Une rafale ébranla tout à coup les carreaux. « Quel temps !» dit Frédéric. « En effet, c'est bien aimable d'être venu par cette horrible pluie. »« Oh, moi je m'en moque. Je ne suis pas comme ceux qu'elle empêche, sans doute, d'aller à leur rendez-vous. »« Quel rendez-vous ? » demanda-t-elle naïvement. « Vous ne vous rappelez pas ?» Un frisson la saisit et elle baissa la tête. Il lui posa doucement la main sur le bras.